Retro Nouveau. Bonjour et bienvenue à ce 7e épisode de Rétro Nouveau, de retour à la formule originale. On avait un spécial au dernier épisode, puis on a remercié vraiment tout le monde du feedback. On a vu que vous avez bien aimé ça. Ouais, on a eu bien du plaisir à le faire. Moi, j'ai adoré ça parce que Castlevania, c'est vraiment ma série culte. Là. J'avais même pas fait aucune préparation là-dessus. J'avais tout ça dans la tête déjà. Mais oui, c'est ça, j'ai vu. T'avais pas de papier, rien sur la table. Ça, ça coulait tout seul. T'avais tous tes historiques dans la tête, là, chapeau. Fait que c'était bien le fun, puis on en fera d'autres, là. Ben oui, certain. Qui nous en ont parlé. Moi, Megaman, ça me branche. Megaman, moi, je suis pas mal certain que c'est le prochain. Ah, ouais, ça me branche en tabarnouche. Il y en a plusieurs Megaman aussi. Moi, j'en ai joué beaucoup, fait que ça me tente bien gros. Mais on note encore une fois tout ce que vous nous dites, puis il y a des séries qui peuvent être plus demandantes aussi. Surtout pour ce qui est des RPG, il y a juste moi qui joue. Donc, ouais, c'est ça, moi je joue pas à ça du tout les RPG. Mais continuez à nous mentionner ce que vous voulez, puis on va essayer de réaliser vos souhaits. Yes. Donc, vite, Bruno, je voulais juste revenir sur ce qui a failli se passer cette semaine. Ça a failli être papa x2. Ben oui, x2, tabarnouche. J'ai écouté. Vendredi, on était supposé enregistrer, puis finalement, on n'a pas pu. On n'a pas pu, ma blonde avait des contractions, on savait pas si ça allait venir ou non. C'est pas arrivé encore, vu que je suis là aujourd'hui, on est lundi, puis on enregistre. Mais cette fois-ci, exclusivement, vu que normalement l'épisode est là le lundi, là, je vais faire le montage à soir pour pouvoir mettre ça en ligne demain matin. Donc, mardi. Ah ouais, okay. Donc vous allez être pas mal pile-poil. Puis c'est ça, je vais être papa. Puis aussi, je voulais revenir sur le fait que j'ai sorti un jeu avec Mathieu Burton, un programmeur. Le jeu s'appelle Dirty Gary. Vous pouvez aller vous le procurer sur iTunes, sur l'App Store. Puis, en plus de ça, il est seulement 99 cents. Je veux dire, c'est un méchant bon deal. Il y a 5 petits jeux dans Dirty Gary. Puis ce que c'est, en gros, c'est l'histoire, c'est que Gary, c'est un ado qui prend pas très soin de lui, qui est un petit peu malpropre. Puis, à travers ces 5 jeux-là, va falloir prendre soin de lui. Il y a les jeux de plateforme, jeux de tir, jeux de réflexes. Puis, il y a même un jeu où Gary se repose et où il compte les moutons, mais de façon très originale. Tout ça, tout le temps, de façon très originale. Vous n'allez pas faire les choses comme vous pensez que vous allez le faire. C'est un petit jeu pas mal de fun, évidemment. Je l'ai fait, donc je ne dirais pas que c'est pourri. mais non, c'est ça. On a travaillé fort là-dessus. Puis, on aime beaucoup le feedback des gens en passant. Si vous achetez le jeu, vous devez aller faire une critique sur iTunes parce que c'est vraiment ça qui nous aide à avancer, qui nous aide à aller plus loin, qui nous aide à faire d'autres jeux. Donc, allez-y, faites vos critiques, parlez-en, puis je vous remercie énormément pour tout le support. T'as aimé de prendre ça, hein? Allô? Ah, ok, j'arrive. Ok, j'arrive. Bye. Bon. Ma femme vient de perdre ses os. Live à Rétro Nouveau. Donc, on va remettre ce 7e épisode. Puis, ben, c'est ça. Salut. Bye.